scelta a parte. Finir della sorte. Che ne poserà? Che ne poserà? Le diamo il suo padre. Che ne poserà? Che ne poserà? Acquario. Che la c'è che trasporta. Acquario. Che la c'è che trasporta. Mettra moi, mettra moi. Que je sois ton époux. Que je sois ton époux. Je t'en prie, à genoux. Bonjour. Je t'en prie, à genoux. Bonjour. Traîtresse, pardonne-nous. Fille de tes dons. Je filerai nous. Pour le gîte, je serai maîtresse. Maîtresse. Et tu m'en verras sans cesse. Sans cesse. Je me résous. Par toute la détresse. Remettez-vous. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Bonjour, Margot. C'est bon. C'est bon. Quelle maldécresse.